moi de 17h à 17h30. Calez votre transistor sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence pour écouter un coup d'œil dans le rétro. Bonjour à tous, vous êtes sur Fadjet 94.2. Bienvenue dans notre émission Un coup d'œil dans le rétro. Une fois par mois, je crois que c'est quand même pas loin de 12 fois qu'on le fait. Nous décryptons toute l'actualité du rétro qui fait son grand retour depuis plusieurs années. On vous informe sur les tendances musicales, mode, déco, mais aussi les sorties, les loisirs au niveau local et national. En somme, une émission où on vous parle du passé au présent. Ma partenaire de jeu habituelle, c'est Anaïk. Bonjour à toi, Anaïk. Bonjour à tous. Ça va ? Ça va bien. Depuis le mois dernier ? Ça va, ça va. On est passé au soleil, à la chaleur. Ça nous fait bien de. Ça nous fait du bien, tout simplement. Sauf aujourd'hui, quoi. Alors, quel va être le sommaire du jour pour cette belle émission ? Alors, au sommaire du jour, on va jeter un petit coup d'œil sur un acteur américain. Décédé malheureusement, un acteur connu pour sa fureur et notamment sa fureur de vivre, j'ai nommé James Dean. On parlera aussi de produits capillaires, hein, un petit peu en rapport avec lui, un produit capillaire qui revient un petit peu à la mode, la Gomina. Oui, messieurs et mesdames, parce que ça concerne aussi les femmes. Ça concerne les femmes aussi. Et puis enfin, on terminera donc avec les sorties en Lorraine, sur Nancy et un petit peu ailleurs. Voilà. Alors, on en profite pour faire un petit coucou sur la page Facebook de l'émission Un coup d'œil dans le rétro. Alors pour ceux qui peut-être nous écoutent, on en a une, c'est certaine, elle s'appelle Sandra, coucou à toi, et merci de nous écouter chaque mois, et ils sont nombreux aussi quand même à nous écouter, et on citera des petits prénoms, n'hésitez pas à nous laisser des messages sur la page Facebook de l'émission. Donc comme je le disais, on va commencer tout de suite notre coup d'œil donc sur James Dean. Alors oui, effectivement, James Dean, quand même, bel homme, né en 1931. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il aurait quand même, tout de même, attends voir qu'on arrive à faire des comptes très très rapides, 86 ans. Il aurait 86 ans, James Dean. Il est né en 1931 dans l'Indiana et mort en 1955. Je me suis trompé dans les calculs. Refais les calculs. Ouais, je refais le produit après. Et mort en 1955 à l'âge très jeune de 24 ans en Californie. Alors aujourd'hui, on s'attarde justement sur lui et notamment aussi son interprétation d'un adolescent rebelle et fragile dans le film La Fureur de Vivre a fait de lui pour toute une génération le symbole d'une jeunesse en désarroi. Son décès tragique et prématuré aux prémices de sa gloire, participe au mythe et à son inscription au panthéon du cinéma américain. Fait unique, tout de même, il est nommé deux fois à l'Oscar du meilleur acteur à titre posthume. Sa carrière fut très courte, malheureusement. Il la commence en tant qu'acteur en tournant dans une publicité, notamment pour Pepsi Cola. Et il quitte aussi l'université pour se consacrer entièrement à sa passion de comédien et s'inscrit au cours de comédie à l'Actor Studio de New York. Légendaire cours d'art dramatique. Il apparaît dans différentes séries de télévision. Il joue également au théâtre où il connaît un grand succès à Broadway, jouant le rôle du jeune arabe Bachir dans la pièce d'André Gide, L'Immoraliste, qui lui valut le prix du jeune acteur le plus prometteur de l'année. Il le propulse dans le monde du cinéma. Sous contrat avec la Warner Bros, il tient des petits rôles dans divers films, mais c'est son rôle de Cal Trask dans À l'Est d'Éden, pour lequel il est nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur acteur, première nomination posthume de l'histoire des Oscars qui le rend notamment célèbre, et il enchaîne avec La Fureur de Vivre et Géant, son dernier film. Alors seulement, James Dean était passionné aussi de courses automobiles, malheureusement ça lui coûtera la vie, et surtout depuis qu'il avait conduit une Porsche 356 dans La Fureur de Vivre, c'est d'ailleurs en se rendant à une compétition en Californie qu'il se tua au volant de sa Porsche 550 Speeder. Après avoir pris un PV pendant le trajet pour excès de vitesse, il se fait couper une priorité par un étudiant alors qu'il roulait malheureusement à 90 km/h. C'est dommage. Pas de bol, oui. Pas de bol, précurseur du phénomène rock du milieu des années 50 aux États-Unis, les films L'Équipée Sauvage, Graines de Violence et La Fureur de Vivre livres. Furent parmi les premiers à évoquer au cinéma la rébellion des adolescents et le mal-être de la jeunesse de l'époque. Bon nombre d'acteurs affirment qu'ils ont été influencés par James Dean. Bon, Elvis Presley avait affirmé dans un entretien qu'il espérait avoir une carrière similaire avec James Dean. Certains journaux avaient comparé l'acteur River Phoenix aussi à James Dean, non seulement pour son talent, mais aussi du fait de sa mort tragique à l'âge de 23 ans. Alors pour les petites anecdotes, en France et notamment en 1990, Michel Berger et Luc Plamondon écrivent la comédie musicale La Légende de Jimmy et inspirée donc par la vie de James Dean. En septembre 2015, donc prochainement après l'été, il y aura la sortie au cinéma de Life, un biopic s'intéressant à l'amitié entre James Dean, interprété par Dane Dehaan, et Dennis Stock, joué par Robert Pattinson. Alors, il faut savoir aussi que, enfin c'est juste une petite info comme ça, que James Dean donc était adulé par de nombreuses femmes, un petit peu le mythe du beau gosse de l'époque. Il faut savoir en fait qu'il était bisexuel et qu'il avait notamment une relation avec son premier colocataire quand il était étudiant. D'accord. Voilà, donc une relation avec un homme. Bon, après il a eu aussi des relations avec des femmes, mais il avait aussi ce côté un peu bisexuel qui était un peu caché à l'époque parce qu'évidemment aux États-Unis c'était controversé et fallait que ça soit caché, quoi. Donc, effectivement, voilà. James Dean, moi, l'image que j'en ai, étant donné qu'il n'a pas vécu vieux, c'est le jeune premier, un peu rebelle, comme ça, très très beau, avec cette mèche qui tombe là, sur les yeux, qui faisait pâlir toutes les femmes. D'ailleurs, moi, j'essaye de faire tomber mes mèches, mais je crois que j'ai pas le même succès. Si la mèche lourde. Donc voilà pour le petit coup d'œil sur un artiste, donc James Dean en l'occurrence. Et on va se faire bien tout de suite une pause musicale. Il est 17h06. Vous êtes avec nous dans Un coup d'œil dans le rétro. Alors peut-être au travail, peut-être dans votre voiture, peut-être chez vous. Vous avez le droit aussi d'écouter la radio chez vous. Et on va vous passer un titre, donc Route 66, reprise par Chuck Berry en 1961. C'est une chanson écrite notamment par le compositeur Bobby Troup, est un hymne à la route 66 qui traverse les États-Unis de Chicago à Los Angeles. Ce morceau fut d'abord interprété par Nat King Cole, donc celui-ci en 1946, puis repris bien sûr par beaucoup d'autres. Je vous laisse découvrir un son assez connu. Et on aime ça, les sons dans ce genre américain. Dans Un coup d'œil dans le rétro, on se retrouve juste après ça. Prenez le temps de vivre les amis. À tout de suite. Jack, take my way, it's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks. Missouri, Oklahoma City looks so, so pretty, you see. Amarillo, a Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingsman, Barstow, San Bernardino. Won't you get hip to this kindly tip and take that California trip? Get your kicks on Route 66. A Chaplin, Missouri, Oklahoma City looks so, so pretty, you see. A Amarillo, a Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingsman, Barstow, San Bernardino. Won't you get hip to this kindly tip? Take that California trip. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route Chuck Berry Road 66 ou Fadjet. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 17h30 sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors on espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. Nous sommes le 17 avril, c'est le printemps. Alors il pleut un petit peu mais il fait doux quand même, hein. Faut pas non plus en... Oui, non, voilà. Il fait pas froid. Ça fait du bien. Profitez pour... on vous donnera aussi toutes les sorties du week-end et du mois. C'est le moment de danser, même de danser en extérieur. Il y a pas mal de choses à faire ce mois-ci. Alors, encore un petit coucou à faire à Diane, notamment sur la page de Fadjet, qui nous remercie et qui nous dit que c'est toujours trop bon d'écouter un coup d'œil dans le rétro avec la douce et suave voix de François et Anaïs, tu vois. Et même sous la pluie. Même sous la pluie, oui. Donc, elle doit certainement écouter peut-être de son téléphone portable, oui, parce qu'il y a aussi une application Fadjet que vous pouvez télécharger sur Android, je crois, et vous pouvez nous écouter en direct. Allez, on poursuit cette émission les 17h et 10 minutes, et c'est le moment aussi, donc chaque mois, on parcourt la mode, la déco, et aussi les artistes, bien sûr, et les sorties possibles, et là, d'aller donc retrouver un standard de la coiffure, de la capillarité, du cheveu soyeux, c'est ça qu'on dit. Du gras. Voilà, du gras aussi, un petit peu, parce que là on est dans la graisse, presque. Et donc c'est notamment bien un petit point sur le retour magique de la gomina. Alors la gomina. Dans un premier temps, est-ce une marque ? Alors pas du tout. Ah. La Gomina, c'est un peu comme le dentifrice, comme voilà des noms comme ça. En fait, c'est pas une marque. En fait, c'est un produit. C'est un produit. Voilà. Donc il y a différentes marques de Gomina. Et effectivement, donc la Gomina fait son grand retour. Alors c'est aussi connu sous, on dit aussi souvent la brillantine. La brillantine, effectivement. Vrai, mais je crois que pareil, on en vend aussi sur deux types différents, Gomina et brillantine. Non. Alors normalement, toi, c'est la même chose. La Gomina ou la brillantine, c'est la même chose. C'est effectivement donc un produit capillaire. Qui sert donc à plaquer ou lustrer les cheveux. Alors il faut savoir que c'est un produit assez ancien puisqu'elle a été inventée donc en 1926. À l'époque, donc la question des produits naturels végétaux comme on peut le vivre aujourd'hui un peu tendance bio, ne se posait pas du tout. En fait, la Gomina, ça contient trois produits, à savoir du pétrole. C'est quand même bien pour les cheveux. De l'huile minérale et un peu de parfum quand même, parce que voilà, faut quand même que ça soit agréable. Mais voilà, le pétrole, il y en a pas mal dans des tas de produits pour les cheveux. Oui, c'est vrai. Alors, donc les premiers à l'avoir utilisé, en fait, à l'époque, c'était les aviateurs anglais, dont les cheveux gardaient l'aspect un peu coiffé et mouillé après avoir retiré leur casque. En 1940, donc un coiffeur de Philadelphie qui s'appelait Joe Cirillo, donc a inventé la coupe canard. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Oui. Je vous mettrai des photos, parce que franchement, ça vaut le jus, qui consistait en fait à gominer les cheveux du dessus, les peigner en arrière de chaque côté et les faire redescendre en pointe vers la nuque, tout en les croisant. Oui, je vois ce que tu veux dire, parce qu'en fait, il faut les gominer à l'intérieur et à l'extérieur pour bien que ça plaque. Ça faisait des espèces de rouleaux et en avant, en fait, ça faisait comme une trompe d'éléphant qui revenait en fait au dessus du nez. Ah! Alors ça, donc tu laissais une mèche devant, un espèce de rouleau devant avec une pointe qui revenait comme ça. C'est un peu les rockers. Il y a un côté ça. M là-dedans, non? Un peu, oui, c'est un peu. Ouais. Exactement, c'est un peu la coiffure de M. D'accord. Donc il faut savoir que ce coiffeur donc est devenu par la suite un des coiffeurs attitrés des studios donc de la Warner Bros. Et a été notamment le dernier coiffeur donc à coiffer James Dean, donc dont on parlait tout à l'heure, pour son dernier film. Donc la Gomina devient un produit apprécié aussi des jeunes américains un peu rebelles et autres Teddy Boys anglais qui étaient un peu anticonfermistes des années 1950. Les Teddy Boys, ça revient à la mode aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Ainsi que des blousons noirs donc français des années 60 et des amateurs un peu de rockabilly. Faut pas oublier non plus les acteurs tels que Tony Curtis, pardon, qui ont fait aussi de la Gomina, son succès. En 1950, en France, il y a le Pento, en fait. Je sais pas si vous vous souvenez du Pento. J'en ai mis des doses magistrales. J'utilisais le tube, moi, dans les années 90. J'ai l'impression d'être vieux, mais je mettais des tubes complets de ce Pento. Ce tube rouge, là, voilà. Le Pento, ça plaque. Par contre, le cheveu n'est pas dur, mais ça fait une espèce de masse graisseuse. Autant mettre de la margarine, c'est un peu pareil. Oui, mais enfin, le Pento, du coup, dans ces années-là, était vendu quand même à je sais pas combien de millions d'exemplaires. Il faut savoir que c'était quand même une fabrication anglaise. Ça fonctionne encore aujourd'hui, on le retrouve dans les magasins. Ouais. Donc aujourd'hui, effectivement, la Gomina revient au goût du jour. Alors, notamment aussi pour les femmes, parce qu'il n'y a pas que les hommes en fait qui peuvent mettre de la Gomina. Ah bon ? On l'a vu notamment sur les défilés un peu des grands couturiers. Donc la femme peut effectivement se coiffer avec une queue de cheval un peu lisse et brillante, ou alors faire un chignon, ou tout simplement plaquer ses cheveux sur les côtés et laisser les laisser libres en fait sur les épaules. D'accord. Voilà. Pour les hommes, par contre, il y a aussi ce qu'on appelle le retour de la fameuse banane. Alors la banane, on peut pas le faire avec de la Gomina quand même. Si. Ah bon ? Oui. Alors en fait, c'est pas une banane comme je sais pas moi. Oui, laquer Elvis. Ouais, non, c'est pas ça. En fait, c'est une banane. Enfin, on appelle banane un peu, peut-être presque ta coupe si tu veux, un peu. D'accord. Voilà, les cheveux plaqués sur les côtés. Oui. Et alors normalement c'est sans pâte pour faire un côté un petit peu plus moderne, sans ondulation. Et voilà, ça fait un petit peu classe. Et en fait, on met les cheveux en haut de manière un peu aérienne. D'accord. Mais sur les Donc côtés, c'est quand très même plaqué. Un petit peu gonflé au-dessus. Voilà, ouais. Exactement. Donc il faut savoir qu'il existe une dizaine de marques de gomina, de marques un peu célèbres comme Meurez, Dax ou Black and White. Et on peut les trouver, ces gomina, je dirais, sur Internet, parce que j'ai été voir tout à l'heure, effectivement, même le site Amazon, par exemple, qui en vend. Et aussi sur, chez des coiffeurs qui font notamment barbershop, tout ça. Ouais, maintenant, ça revient vachement à la mode, notamment pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Alors, n'hésitez pas, c'est le moment d'essayer des coupes en tout genre, en ce moment, même si on se rate un petit peu, qu'on fait des petites choses un petit peu expérimentales. Mais c'est le moment, c'est l'été, on a envie de passer ça là-dessous. Et donc, la gomina, c'est le grand retour. Ce printemps, alors printemps 2015, c'est déjà le retour chez nous, on a envie de la gomina. Je sais que tout le monde ne l'utilise pas, mais c'est un bel accessoire, c'est un bel utilitaire. Donc je vais m'y remettre, je crois que je vais m'y remettre, j'ai envie. Non ? Oui, on va tenter. Et puis par ce temps un petit peu pluvieux, en cas de pluie, en cas de vent, voilà, ça nous évite de sortir une ombrelle c'est un peu le lien par rapport à ce qui va suivre. Ça peut ruisseler sur le cheveu comme ça va être magnifique. Bon allez, sans transition aucune, on va s'écouter une petite musique. Il est 5h15, 17h16 précisément. Alors on aime aussi vous faire découvrir des reprises, et notamment celle-ci, Umbrella, c'est une reprise par le groupe The Baseball. C'est un groupe allemand de rockabilly fondé en 2007. Vous allez reconnaître ce titre de... C'est Rihanna ? Oui, c'est Rihanna. Hey, c'est Rihanna. Donc, Umbrella par The Baseball. Vous êtes en un coup d'œil dans le rétro et on se retrouve juste après ça. You had my heart and we'll never be a world apart. Or maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can see shiny cars. And that's when you need me there. With you, I always share. Shines, we'll shine together. sur Fadjet. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 17h30 sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Allez, vous êtes à l'écoute d'un coup d'œil dans le rétro, les 17h20. On va faire un petit point dédicace parce qu'on aime bien ça aussi. Et surtout, ça nous fait très plaisir que vous soyez aussi nombreux à nous écouter. Et donc, un petit point remerciement à Johan aussi qui nous écoute. Et notamment aussi, Fabienne qui est sœur d'un batteur de rockabilly, Milton and the Wheat Tones, voilà, c'est le nom du groupe. On peut remercier qui encore aussi nous Alors écouter. Moi, j'aimerais bien remercier Amandine, je ne sais pas si tu nous écoutes, ouais. Et puis aussi Elodie qui me dit s'ennuyer, voilà, ah, chez elle, qui, avec son gros bidon, quoi. Donc on voilà, je vous embrasse bien fort. C'est pour ça, on vous fait partager un petit peu notre musique, parce que le rock, ça donne envie de danser. N'hésitez pas, vous soyez dans la rue. Au volant de votre voiture. Bougez vos gambettes. Voilà, danser. On peut toujours un petit moment sautiller sur place comme ça et puis se mettre en joie, ça fait toujours plaisir. Allez, on poursuit. Et notamment d'ailleurs, on en parlait, c'est le printemps, c'est le moment de sortir. Et ce week-end, et les week-ends à venir aussi pendant un mois, il y a pas mal de choses à faire sur Nancy. Et donc c'est le moment un peu de passer à la rubrique « Sortie ». Alors Anaïque, ce soir par exemple, si on commençait par ce soir. Par exemple, oui, donc ce soir, donc au Classico, donc à Nancy, je vous propose de retrouver notre ami Wilfried à 20h45 pour un cours de West Coast Swing. Et vous pouvez ensuite enchaîner avec une soirée rock, West Coast et l'Indie. Cette soirée donc se passera de 22h à 1h, donc au Classico de Nancy. Alors si on poursuit demain, notamment au Clou Sans Tête, place des Vosges, à 21h, un concert du groupe The Woods, duo acoustique qui vous fera voyager dans le rock'n'roll des années 50 et 60. Et si on est dans les Vosges ce samedi et ce dimanche? Alors samedi et dimanche donc à l'espace du lac donc de Gérardmer, vous pouvez aller voir donc la 15e édition du salon de la voiture de course rétro qui sera consacré donc cette année à l'âge d'or de l'automobile allant de 1940 à 1969. Le tout dans un cadre et sur fond de musique de l'époque. L'entrée c'est 5€ et ça sera donc de 14h à 20h le samedi et de 9h à 17h30 le dimanche. On essaiera d'ailleurs dans les prochaines semaines, parce qu'on le dit, ça fait un moment qu'on le dit, d'essayer notamment d'inviter, alors on fait peut-être un petit appel à l'antenne, une association, peut-être qui serait Lorraine, Meurthe-et-Moselle ou peut-être même nancéenne. De voitures anciennes, ouais, pour venir nous parler de cette passion. Et donc venez à l'antenne, n'hésitez pas à nous contacter encore une fois sur la page coup d'œil dans le rétro ou directement à Fadjet, parce que voilà, on essaye d'inviter une fois tous les deux mois un invité ici qui est acteur du monde rétro vintage ici en Lorraine et qui pourra aussi communiquer bien évidemment sur ces événements. Alors si on poursuit le week-end du 24 avril et ce sur 3 jours, il y a la 3e édition du West Tiny Festival ou Tiny Festival à l'Axou, organisé par l'association 3 et 4 de Nancy, avec une soirée le vendredi soir et une autre le samedi soir, entrecoupée d'ateliers, donc notamment les après-midi. Alors si on sort des contrées lorraines. Alors si on sort des contrées lorraines, je vous propose d'aller faire un petit tour du côté de Strasbourg, pardon. Oui. Donc le samedi 25 avril, vous pouvez aller voir participer à un stage burlesque avec Anne Tropy, donc à l'école Luna Moca Burlesque. Donc ce stage est d'une durée de 1h30 au prix de 40€. Les inscriptions sont sur le site lunamoca@lunamoca.com. Vous pouvez aussi aller voir sur Facebook. Et toujours donc ce samedi 25 avril, donc le soir, lors du week-end Japan Addict, donc en fait c'est 50 ans de jeux vidéo organisé par l'association Kakemono, vous pourrez aussi découvrir la troupe donc les Pin-Up d'Alsace pour un show burlesque. L'entrée c'est 10€ à 21h à la salle de la Bourse, donc je rappelle c'est à Strasbourg. Alors encore une fois, encore un appel aussi là-dessus. Les pin-up de Lorraine, et elles peuvent aussi venir nous voir sans aucun problème. C'est pareil, on aimerait aussi donner et mettre un coup de projecteur sur cette discipline, si on peut l'appeler ainsi. Et donc aussi les feuillages burlesques, enfin tout ce monde-là. Allez, on poursuit aussi notamment avec le vendredi 1er mai qui est férié. Et il y a un concert rock'n'roll du groupe The Boomers à l'auditorium de la Pépinière à Nancy. Et donc à 17h le vendredi 1er mai. Voilà pour l'actualité et les sorties ici au niveau local et peut-être un petit peu plus le Grand Est. On va s'écouter une dernière musique qui est de Jen Vincent. Le titre, Anaïk. Bipapaloula. Donc un titre de 1956, vous le connaissez bien évidemment. Jen Vincent, Bipapaloula. Un coup d'œil dans le rétro, on est ensemble encore pour 5 petites minutes. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bibopalula, she's my baby. Bibopalula, I don't mean my baby. Bibopalula, she's my baby, my baby, my baby. Let's rock! She's the one with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more, more, more. Bibopalula, she's my baby. Bibopalula, I don't mean my baby. Bibopalula, she's my baby, my baby, my baby. Let's rock again now. Bibopalula, she's my baby. Bibopalula, I don't mean. C'était Bibopalula de Jenny Vincent, une chanson de 1956. Vous êtes toujours dans un coup d'œil dans le rétro sur Fadjet 94.2. Vous écoutez Fadjet. Allez, on poursuit, c'est la dernière ligne droite de notre émission. Un coup d'œil dans le rétro, il reste 3 petites minutes. Malheureusement, ça passe toujours très très vite. Hein. Ça passe trop vite, on n'arrive pas en fait à trouver le bon timing. Le bon timing pour parler de toutes nos informations. Je vous rappelle entre autres que la prochaine émission, c'est le 22 mai. Tout à fait, alors il y a beaucoup de vendredis hein, au mois de mai, il y en a 5. Et pas mal de fériés. Voilà, donc on va pas compter le 1er mai, hein, parce que vous allez faire plein de choses. Voilà, vous allez sortir, il va faire beau. Donc on se donne effectivement rendez-vous le 22 mai. Le 22 mai pour continuer cette journée sur Radio Fadjet. Eh bien, à 17h30, c'est les voyages de Pascal. À 18h, de Main de Maître. Alors ça, c'est sur Être d'horreur ornemaniste en 2015. C'est un portrait de Xavier Noël. À 18h30, Charlie & Co. sur l'Open Bidouille Camp de Nancy et notamment aussi les dons gastronomes, dons de sang à l'opéra. À 19h30, un menu étudiant spécial Best Of. Et ce soir, donc, à 21h, Electrochoc. 22h, Fadjet Party Time by DJ Guevara. Il est 17h28 et nous sommes dans l'obligation de vous dire au revoir, c'est cela? Oui, hélas. Bah oui, c'est la fin d'un coup d'œil dans le rétro. On était très heureux d'être encore à l'antenne. Alors je ne sais plus combien de fois, hein, ça fait pas mal de fois. Bah, plus d'un an en tout cas. Plus d'un an en tout cas, effectivement. Ouais. N'hésitez pas, alors on remet les petits podcasts hein, pour ceux qui veulent réécouter l'émission sur la page de l'émission Facebook, mais aussi sur la page de l'émission sur le site de Fadjet. Donc c'est bien sûr un coup d'œil dans le rétro. On remercie tous nos auditeurs hein, d'avoir pu participer aussi à l'émission avec nous aujourd'hui. On remercie aussi à Gloria qu'on n'a pas entendu, qui est dans le studio. Merci qui a écouté, à toi, voilà, oui. Qui est en stage cette semaine. Et remercie aussi, je te remercie toi, Anaïk. Oh bah de rien, merci à toi, François. Et puis on vous dit à bientôt. Bon week-end, bonnes vacances. Profitez du soleil. Et puis, rendez-vous le 22 mai. À bientôt. Ciao. Bisous.